Le mari, à ce qu'ils disent, est un jaloux qui veut pas qu'on fasse l'amour à sa femme. Et il ferait le diable à quatre si cela venait à ses oreilles. Vous comprenez bien? Fort bien. Il faut pas qu'il sache rien de tout ceci. Hein? Sans doute. On le veut tromper tout doucement. Vous entendez bien? Le mieux du monde. Si vous allez dire que vous m'avez vu sortir de chez lui, vous gâteriez toute l'affaire. Vous comprenez bien? Assurément. Mais... comment nommez-vous celui qui vous a envoyé là-dedans? C'est le seigneur de notre pays? Monsieur le vicomte de... par chose, foin. Je me souviens jamais comment j'ai entré le baragouine ce nom-là. Monsieur Clic... Clicondre! Est-ce ce jeune courtisan qui demeure... Oui! Auprès de ces arbres! C'est pour cela que depuis peu, ce damoiseau poli s'est venu loger contre moi. J'avais bon nez, sans doute. Et son voisinage, déjà, m'avait donné quelques soupçons. Fustigué! C'est le plus honnête homme que vous ayez jamais vu! Il m'a donné 3 pièces d'or pour aller dire seulement à la femme qu'il est amoureux d'elle et qu'il souhaite fort l'honneur de pouvoir lui parler. Voyez, s'il y a là une grande fatigue pour me payer si bien, est-ce qu'il y a au prix de cela une journée de travail où je gagne que 10 sols? Eh bien... avez-vous fait votre message? Ouais. J'ai trouvé là-dedans une certaine Claudine qui tout du premier coup a compris ce que je voulais et qui m'a fait parler à sa maîtresse. Coquine de servante. Moi, Morgan, cette Claudine-là est tout à fait jolie. Elle a gagné mon amitié et il tiendra qu'à elle que nous ne soyons mariés ensemble. Quelle réponse a fait la maîtresse à ce monsieur le courtisan? Elle m'a dit de lui dire... Attendez. Je ne sais si je me souviendrai bien de tout cela. Qu'elle lui est tout à fait obligée de l'affection qu'il a pour elle. Et qu'à cause de son mari, qui est fantasque, il garde de rien faire paraître. Et qu'il faudra songer à chercher quelque invention pour se pouvoir entretenir tous deux. Pandarde de femme. Testigène, cela sera drôle, car le mari ne se doutera point de la manigance. Voilà ce qu'est bon. Et il aura un pied de nez avec sa jalousie. Est-ce pas? Cela est vrai. Adieu. Bouche cousue au moins. Gardez bien le secret, afin que le mari ne le sache pas. Oui, oui. Pour moi, je vais faire semblant de rien. Hey. Je suis à la fin, ma toi, et l'on dirait pas que j'y touche. Eh bien,

Allons. Il s'agit seulement de désabuser le père et la mère. Et je pourrais trouver peut-être quelques moyens d'y réussir. Il faut que les gens en paient ici, soit grand babillard. Vraiment, ce monsieur le vicomte a bien choisi son monde que de te prendre pour son ambassadeur. Il s'est allé servir là d'un homme bien chanceux. Ah, une autre fois, je serai plus fin, je prendrai mieux garde à moi. Oui, il sera temps. Ne parlons plus de cela, écoute-leur. Ça me dit que j'écoute. Tourne un peu ton visage devant moi. Allez, viens, Jess. Claudine. Quoi? Voilà. Tu comprends bien ce que je veux dire? Non. Ok. Stein! Tout bon. Oui, le diable m'emporte. Tu me peux croire puisque j'en jure. À la bonne heure. Je me sens tout trémouillé le cœur quand je te regarde. Je m'en réjouis. Comment est-ce que tu fais pour être si jolie? Je fais comme font les autres. Vois-tu, faut point ton beurre pour faire un carton. Si tu veux, tu seras ma femme. Je serai ton mari. Et nous serons tous deux mari et femme. Tu serais peut-être jaloux comme notre maître. Moi, je hais les maris soupçonneux. Et j'en veux un qui ne s'épouvante de rien. Un si plein de confiance et si sûr de ma chasteté qu'il me vit sans inquiétude au milieu de 30 hommes. Eh ben, je serai tout comme cela. C'est la plus sotte chose du monde que de se défier d'une femme et de la tourmenter. La vérité de l'affaire est qu'on n'y gagne rien de bon. Cela nous fait songer à mal, et ce sont souvent les maris qui, avec leur vacarme, se font eux-mêmes ce qu'ils sont. Eh ben, je te donnerai la liberté de faire tout ce qu'il te plaira. Et voilà comme il faut faire pour n'être point trompé. Lorsqu'un mari se met à notre discrétion, nous ne prenons de liberté que ce qu'il nous en faut. Et il en est comme avec ceux qui nous ouvrent leur bourse et nous disent « prenez ». Nous en usons honnêtement et nous nous contentons de la raison. Mais ceux qui nous chicanent, nous nous efforçons de les tondre et nous ne les épargnons point. Je serai de ceux qui ouvrent leur bourse et t'as qu'à te marier avec moi. Eh bien, bien, nous verrons. T'attends qu'ici, Claudine. Que veux-tu? Viens, mon Dieu. Viens, doucement, je n'aime pas les papillons. Hé, un petit bras d'habitude. Laisse-moi la tenir, je n'entends pas railler. Claudine. Fille, casse la malhonnête de refuser les personnes. N'as-tu point de honte d'être belle et de vouloir pas qu'on te caresse? Je te donnerai sur le pied. La farouche, la sauvage, fille-toi, la dynamique cruelle. Je m'en suis trop. Qu'est-ce que ça coûterait de me laisser un peu faire? Il faut que tu te donnes passion. Un petit baiser seulement, en remontant sur notre mariage. Je suis votre servante. Non, je t'en prie, serai-toi-moi. J'y ai déjà été attrapée. Adieu. Va-t'en et dis à monsieur le vicomte que j'aurai soin de rendre son billet. Adieu. Bonté, rue Daniel. Le mot est amoureux. Adieu, rocher, caillou, pierre de taille et tout ce qui est plus dur au monde.

J'admire mon malheur. Et la subtile adresse de ma carogne de femme pour se donner toujours raison et me faire avoir tort. Est-il possible que toujours j'aurai du dessous avec elle? Que les apparences toujours tourneront contre moi et que je ne parviendrai point à convaincre mon effronté. Ô ciel, seconde mes desseins et m'accorde la grâce de faire voir aux gens que l'on me déshonore. J'ai peur qu'il ne soit trop tard. Je ne vois point à me conduire. Lupin, monsieur, est-ce par ici? Je pense que oui. Si noir que cela. La tort, assurément. Mais si d'un côté elle nous empêche de voir, elle empêche de l'autre que nous soyons vus. Vous avez raison. Elle n'a pas tant de tort. Je voudrais bien savoir, monsieur, vous qui êtes savant, pourquoi il fait point jour la nuit. C'est une grande question. Et difficile. Tu es curieux, Lupin? Oui. Si j'avais étudié, j'aurais été songé à des choses où on n'a jamais songé. Je le crois. Tu as la mine d'avoir l'esprit subtil et pénétrant. Cela est vrai. Tenez, j'explique du latin, quoique jamais je l'ai appris. Et voyant l'autre jour écrit sur une grande porte que les yeux, je devinais que cela voulait dire collège. Cela est admirable. Tu sais donc lire, Lubin? Oui, je sais lire. La lettre moulée. Mais j'ai jamais su apprendre à lire l'écriture. Voici contre la maison. Miaou. Miaou. C'est le signal que m'a donné Claudine. Par ma foi, c'est une fille qui vaut de l'argent et je l'aime de tout mon cœur. Si. Déjà amené avec moi pour l'entretenir. Monsieur, je vous suis à... Chut, j'entends quelques bruits. Claudine. Eh bien. Laisse la porte entrouverte. Voilà qui est fait. Ce sont elles. Miaou. Miaou. Miaou.